En Corée du Sud, les bouddhistes Won et d'autres habitants ont constitué le 11 dans la commune de Soson du canton de Chosun de l'arrondissement de Songju, province du Gyeongsang du Nord, une troupe d'assaut destinée à faire stopper la disposition supplémentaire des rampes de lancement de SAD par les autorités sud-coréennes avant de s'engager dans la lutte, apprend-on de Yonhap-News sud-coréenne. Par ailleurs, le journal Économie sud-coréenne du 13 annonce que les membres des formations sud-coréennes contre le déploiement de SAD et les habitants ont contesté le contenu d'estimation de l'influence environnementale de cet armement américain monstre publié par les autorités.